n'illustrant pas que les frontières de la défense, de l'erreur et de la zone conformément en considération du credo unicum quand une personne appelle tort ou agitait contre un autre droit ou contre autrui et doit elle en assumer l'entière. Responsabilité, premièrement, il doit être sain d'esprit, bien informé, conscient et avoir l'intention de faire ce qu'il fera de son activité. En dehors de cela, la pleine responsabilité est attribuée à la source qui l'a poussé à le faire. S'il perçoit et reste dans sa position, il est responsable de son activité. Et l'humain compatore, lorsqu'il dépasse par son activité personnelle les frontières de sa défense naturelle de sa vie privée ou des droits publics que sa vie privée, et que son activité affecte négativement la vie privée d'autrui ou du public qu'il inclut personnellement ou n'inclut bas. De cette façon, l'activité contraire à l'opinion publique, visant à défendre le droit à la vie privée ou le droit général à exister, n'est pas considérée comme une erreur et n'est pas considérée comme une attaque négative, car elle s'inscrit dans le cadre d'une attaque positive. Par exemple, lorsqu'un militant lance une campagne de critique contre ceux en quoi toute une communauté croit, pour le bien de ses droits ou de leurs droits ou des droits naturels d'autrui pour le bien de l'existence, cela ne signifie pas qu'il a tort ou un agresseur. Selon notre narration dans le paragraphe précédent, alors que les idées et les produits de l'esprit humain, y compris les religions, les croyances, les systèmes idéologiques et les traditions et pratiques populaires et sociales, sont des droits publics et ils ne sont pas des biens personnels ou des droits privés. Jusqu'à ce qu'ils soient protégés ou adoptés pour les défendre par le biais de personnes et leur exposition par leurs voix similaires intellectuelles. Critique et littéraire ne peut être considérée comme une atteinte à aucun type de droit tant que le critique a démontré les raisons positives de la désintention de ce qu'il fait ou l'aspect négatif de ce à quoi il pourrait être exposé, que ce soit négatif sur les droits publics ou privés, parce que les expériences de l'humanité à partir de produits de l'esprit, de religion et d'idées pour la consommation publique, et ils peuvent être vendus, transférés, modifiés et remplacés sans limite, selon les intérêts sociaux et humains, qu'ils soient publics ou personnels, et donc ils ne conviennent pas à chaque époque et à chaque lieu, sauf en fonction de l'importance des bénéfices qui peuvent être fournis à l'être humain. En même temps et au même endroit, ce sont des champs cultivés par les esprits humains au fil des saisons, selon les exigences de chaque époque, comme tant que leur utilité est perdue. Le droit d'exister est perdu et ils doivent être critiqués, supprimés, laissés et modifiés et remplacés par ce qui peut satisfaire le but. Par conséquent, les produits de l'esprit, que ce soit au stade des idées pour la délibération et l'examen, ou s'ils se sont transformés en applications pratiques en tant qu'outils et mécanismes d'utilisation, ou en tant que textes religieux et lois juridiques qui doivent être respectés ou vénérés, cela reste le droit de société bénéficiaire pour promulguer les lois stimulées pour protéger les droits et les efforts du producteur en tant que facteur de motivation pour son rôle dans l'enrichissement de l'intérêt public, mais il n'est le droit d'aucun organisme privé ou public de défendre les produits de l'esprit humain dans toutes ses formes intellectuelles, religieuses, mécaniques ou professionnelles, sauf par l'indication de la preuve de son authenticité et ses points positifs et la nécessité de son existence et de sa continuité. Face aux critiques nécessaires pour incarner et clarifier ses aspects négatifs et les alternatives possibles pour occuper des tâches et répondre aux besoins de la vie humaine d'une meilleure façon que cela. Par exemple, si nous pensons que le venin de serpent est un bon usage dans les médicaments, car les époques anciennes, avec tout le succès et la certitude, cela ne signifie pas que toute société ou toute personne a le droit de criminaliser ceux qui ont dit au peuple que le serpent est un tueur, et que son pourcentage de produits du venin est plus que les serpents sont visibles et dangereux et ne devraient pas être élevés parmi le peuple. Vous présenter une meilleure alternative remplacerait cela, ou d'une autre manière, quiconque a dit que que les constantes et les statuts des traditions et religions historiques sont incompatibles avec les impératifs de construire des sociétés modernes. Les exigences de la paix mondiale et de la vie humaine, présente et future, qui faire face aux défis et menaces et économiques qui nécessitent d'arrêter le travail de nombreux textes religieux. Statuts et actes de culte qui non seulement ne fonctionnaient pas, mais qui gaspillaient les efforts et les temps des gens, aussi pour leurs dommages très influents. Nous continuons alors. Comment pouvons-nous défendre l'un et éviter d'attaquer les autres? Que tout ce qui n'est pas pris en compte dans le cadre de la défense personnelle, de l'activité de l'individu et de tout individu, et dépasse la frontière de la défense pour tout autre être ou autre entité, est à calculer comme une agression, et de sorte que la liberté de tout être ou entité se termine à la frontière de la liberté d'autrui, de cet être et de cette entité et de cet autre, que ce soit une entité pour un être vivant ou inanimé ou des systèmes juridiques qui ont existé, ou des systèmes intellectuels et métaphysiques. La liberté d'autrui envers elle prend fin et sa liberté envers les autres se termine aux frontières de la défense. Et commence ainsi un processus d'agression et de préjudice de la part du parti qui dépasse la frontière de sa défense vers les défenses de l'autre parti, par exemple. L'un des auteurs a publié un texte contredisant ou critiquant les lois constitutionnelles ou religieuses. La question de savoir s'il défendait et de savoir si ce qu'il avait commis était une agression est contredit. Quelqu'un est allé et a répondu à cet écrivain en l'insultant, en battant ou en tuant. Alors est-ce qu'il considère un défenseur ou un agresseur et à propos de qui il défendait? Un autre exemple. L'un des enfants a brisé l'écran du téléviseur à la recherche de l'orateur parlant à l'intérieur. Un d'entre eux sont venus frapper l'enfant. Est-il un défenseur et sur qui? Et est-il considéré comme un agresseur et sur qui? Et selon cela, les agressions sont de type continu. Nous continuons. Affectent directement et directement la cible, mais elles interfèrent dans leur cadre. Par l'influence négative horizontalement et verticalement de l'autre, les indirectes affectées de manière compliquée et tordue que beaucoup ignorent l'apprécient, par exemple. C'est la question de la procréation et de l'éducation, par exemple. Quelqu'un a donné naissance à un enfant et négligé de lui apprendre comment organiser sa vie et comment gagner sa vie. Ici, il a agressé un être qu'il n'a pas donné sa naissance pour l'ignorer plus tard, ou s'il ne pouvait pas lui fournir les conditions nécessaires pour continuer sa vie, l'enfant a grandi. Et en raison de son manque de connaissances, il est devenu improductif et à certains égards, il est devenu des agressions contre les droits des producteurs dans la société. D'assurer les nécessités de la continuité de sa vie, ici la responsabilité de l'agression de la société appartient à celui qui a donné naissance à un être et l'a négligé. Le premier agresseur est devenu ancien et n'a pas trouvé qui le soutien de famille car il n'est pas né qui doit le soutenir. Ou des circonstances de manque de connaissances qui ont laissé ceux qui l'avaient dans une situation où il n'a pas été en mesure de lui fournir un soutien, et par cela il s'est agressé lui-même. Et donc les agresseurs interfèrent de diverses manières, sur soi-même, sur les autres et sur la communauté humaine, mais quels sont leurs types? Suivez-nous, nous continuons à auto-agression. C'est ce qu'une personne peut récolter, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, sur elle-même et être affectée négativement sur elle personnellement ou sur qui sera lié à l'agresseur. Qui calcule son impact négatif sur les avantages personnels de l'agresseur lui-même, dans le présent ou dans l'avenir, de sorte que sa personne sera ennemie sur elle-même. Comme celui qui jette un mur avec un rocher, de sorte que le rocher entre en collision avec le mur et rebondit et gratte la tête de son lanceur, ou même quand on ventre noyau bois. Pour nourrir ou étancher sa soif, ou pour revitaliser son corps ou pour stimuler son esprit, ou même pour le plaisir et les loisirs psychologiques. Peu importe ce que cette substance que vous mangez est un avantage personnel, si elle entraîne d'autres dommages négatifs à votre corps, vous ennuie financièrement. Une d'une manière qui affecte négativement votre système de vie à un moment ou sous une forme quelconque, il est considéré comme une agression contre vous-même. Et nous sommes donc dans le credo d'Unicum, bien que notre croyance n'a rien à faire avec ce qu'une personne mange ou boit. Tant qu'elle le choisit en pleine connaissance de tous les aspects, positifs et négatifs, mais selon les concepts de la croyance Unicum, qu'une personne pleinement consciente n'agresse pas du tout. Sur elle-même ou sur tout autre être, sauf pour défendre sa propre existence et sa continuité dans la vie, à partir de ce concept. Nous voyons qu'il s'agit d'une des caractéristiques distinctives d'un être humain conscient, est-il la personne qui prête toujours attention à ce qu'il fait. Que ce soit l'agression de lui-même ou des autres d'une manière ou d'une autre, il est calculé en fonction du niveau de votre conscience humaine. Point. Soyez avec nous. Agression contre l'autre d'abord, qui est l'autre? L'autre est tout le monde qui n'est pas à moi, d'aucune entité, qu'il s'agisse d'une entité d'un être humain ou d'un être non humain. Et l'ego attaquant l'autre spécial ou l'autre général peut se produire par le biais d'un ciblage direct ou une agression indirecte par voie d'autodestruction. Ou par l'agression de l'autre général qui l'a pris, tandis que l'agression de l'ego contre l'autre privé peut entraîner une agression indirecte contre soi-même ou contre l'autre général. Et que les agressions en forme type, cela peut être théorique, cela peut être expressif, et cela peut être une activité appliquée, par exemple, quelqu'un a planté un chanvre. En raison de son marché populaire pour gagner de l'argent pour sa subsistance, a-t-il fait quelque chose de mal? Quelqu'un est venu et a acheté de son produit agricole. Et il a produit des matériaux pour l'anesthésie clinique en raison de son importance dans les laboratoires médicaux. Un autre client est venu et a acheté de son produit agricole. Et il a produit de la cocaïne narcotique. Son but est d'obtenir beaucoup d'argent. Selon son prix élevé, quelqu'un est venu et a acheté de lui. Dans le but de se détendre à cause de son anxiété due aux exigences de la vie, il s'est transformé en toxicomane et est entré dans un trouble psychologique. Il a gaspillé son argent et détruit sa famille et est allé travailler pillé ici et là à travers le public afin de traiter ses problèmes financiers. De l'agresseur ici, qui est la victime de toute cette série d'événements? Ainsi, nos croyances, religions, pensées, dictons, activités quotidiennes et nos comportements sont cette ferme et cette produit. Nous devons rendre compte de l'endroit où il ira et de ce qu'il nous apportera à nous ou à d'autres. Que ce soit des personnes ou des gens ordinaires. 3. L'agression contre le grand public, le général ici est destiné par lui, la communauté humaine. Quelle que soit sa taille, où qu'elle se trouve ou ce qui se rapporte à ses intérêts vitaux et à son environnement cosmique. Tout ce qui peut être considéré comme un élément ou une partie de ses composants et l'agression de l'ego sur le droit du grand public peuvent se produire directement ou indirectement par ses activités et comportements et ses dispositions personnelles ou par son agression contre l'autre privé qui est un élément ou une partie de la composante générale de la communauté humaine. Et cette agression contre le public peut se produire même par l'auto-agression, en vertu du moi, la composante de l'existence générale. Parce que le droit général n'est pas quelque chose d'une liste distincte à part entière, mais plutôt qu'il est la somme des droits du moi propres qui le constituent. Et il peut être personnalisé dans ses cadres individuels au sein du grand public, de sorte que l'agression contre l'individu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une agression contre la communauté humaine en général et donc que tout ce qui peut être considéré comme une agression contre le grand public. Il y a en quelque sorte une nocivité pour tout composant calculé au sein des composants de cette communauté humaine générale. Car la relation de l'individu dans la communauté humaine avec le grand public comme la relation de l'oxygène au général des êtres vivants, si un atome d'entre eux est empoisonné dans l'espace, on s'attend à ce que quiconque s'attende à ce qu'il soit celui qui l'inhalera un jour. Aucune explication, les concept lié aux limites de la défense de l'erreur et de l'agression selon les considérations du credo unicum, qui sont basées sur la conscience de l'esprit humain comme source, référencée comme exemple en vertu du fait que l'esprit humain est l'officier contrôlant dans l'organisation de l'humain. Et tout ce qui est lié aux exigences de sa vie et de son environnement cosmique, de sorte que personne d'autre que l'homme, dans l'existence cosmique ou en dehors, ne puisse le surpasser. S'il y a un extérieur, et sur la base de cette conscience mentale, sera le critère caractéristique de l'être pour le décrire par l'humanité ou la sous-humanité. Et dans les rangs des créatures animales les plus basses, entre l'être vivant dans sa condition humaine comme un sublime et être conscient, c'est que l'humain n'est pas agresseur du tout. Sauf en tant que défenseur de son existence, et cet élément ne s'applique pas seulement à l'humain dans sa pleine conscience. En conséquence, tout ce qui fait que l'être humain perd sa conscience, à tout moment, à partir de l'ignorance de la connaissance absolue et de la pensée infinie, à travers toutes les substances psychotropes et consommatrice d'énergie mentale, du divertissement psychologique et de la récréation physique jusqu'au meurtre et à la décoloration, tous ne sont pas interdits dans le credo unicum, car le credo n'interdit pas et non sa responsabilité, mais plutôt une responsabilité personnelle. Mais il est sous toutes ses formes inacceptable et non accueilli par lui, il est fidèle à la preuve du unicum. Dans la mesure du possible, de leur point de départ personnel, par un autodialogue entre l'importance et la non-importance pour eux. Ainsi, ces objets et consommables utilisés ont toujours transmis l'être humain à partir de ses moments de vie au niveau des animaux en paralysant l'esprit. Source de conscience pour distinguer entre l'animal et l'être humain, de sorte qu'il devient incapable de se contrôler consciemment et pour rendre compte de ses actions. Comportements et activités, s'ils sont des voies de fait ou autres, ou quels résultats seront créés, même s'il est un connaisseur. Et l'exemple le plus précis est que le singe est un symbole de marchandises de boissons intoxiquées, comme incarnation de la condition d'humain inconscient buveur, et donc il est dans son état animal. Non pas comptable en tant qu'être humain conscient responsable de ce qui apparaît de lui, mais pour chacun, un humain a une liberté totale en lui-même, dans ce qu'il veut être, par exemple. Aujourd'hui, pendant mes vacances, je veux être un singe, loin de penser aux préoccupations des gens, de sorte que vous êtes libre de boire tout substance intoxicant comme vous le souhaitez. Et que vous soyez ce que vous voulez, ce sera le cas, à condition que vous n'agressiez pas à cause de cela, que ce soit vous-même ou d'autres ou le droit général. Car cela conduira à menacer votre vie et à menacer le sort de la vie de la communauté humaine. Et fini jusqu'à ce que nous vous rencontrions, salut et au revoir sur les traces de combat 2020.